chance est tous marqués par la bête. Tous les jours ils s'obstinent sans tête, mais viendra l'heure de la défaite. Judgment. Ils ont fait du monde un grand échiquier. Une minorité se partage le pouvoir, voudrait nous mettre à leurs pieds. Almighty les fera payer. Judgment. La politique qu'ils mènent aujourd'hui c'est la même qu'hier. Ils parlent de progrès mais de quoi sont-ils fiers? Pour moi le monde reste primitif. Les actes de ces primates n'ont rien de positif. Ben Laden ou W Bush est radioactif. Ce qui se passe n'est pas fictif. Les vampires sortent leurs griffes. Almighty que vivent en paix. Chrétiens, musulmans et juifs. J'ai pas de considération pour ceux qui utilisent la violence. Pour répondre à la violence, à tous ceux qui pensent unique. Islamique ou d'Amérique, ce sont les fous de Dieu. Face aux fous du fric, Afghanistan, Irak, Liban, Palestine sont leurs terrains de jeu. Pétrole, drogue, terre et armes à feu sont les premiers enjeux. Ils flottent sur Babylone comme une odeur de mort. Le peuple est victime et subit le mauvais sort. Mais combien encore leur faudra-t-il de corps? Là-bas, tout se transforme en feu et rien en or. L'opinion mondiale s'endort, les États-Unis sont d'accord. L'ONU fait de la figuration mais se fond dans le décor. Le monde va mal, mon cœur est triste, mon âme pleure. Dans mes yeux les larmes d'un système qui m'écœure. Et tous les jours nous le subissons. Moi ça me fait comme des frissons. À chaque attentat, à chaque missile, à chaque avion. La politique qu'ils mènent aujourd'hui c'est la même qu'hier. Ils parlent de progrès mais de quoi sont-ils fiers? Pour moi le monde reste primitif. Les actes de ces primates n'ont rien de positif. Ben Laden ou W Bush est radioactif. Ce qui se passe n'est pas fictif. Les vampires sortent leurs griffes. Almighty que vivent en paix. Chrétiens, musulmans et juifs. Mais comment faire sœur? Mais comment faire frère? Partir en guerre? Mais qui sont nos alliés? Qui sont nos adversaires? Car dans les deux camps, ils tirent profit de la misère. Et c'est ce qui se passe sur toute la planète Terre. J'ai l'impression qu'on vit au Moyen-Âge. En moi se mêlent ces sentiments de dégoût, de peur et de rage. Alors qu'y croire, dites-moi, les USA et leurs alliés. Pour moi, les gendarmes du monde sont devenus fous alliés. 3000 victimes dans les tours. Depuis combien en ont-ils tué, assassiné, torturé et enfermé? Tout ça sans aucun motif légitime. Tabougraï, Guantanamo, dites-moi combien de crimes. L'Afghanistan et l'Irak sont en ruine. Et combien d'innocents meurent sous vos bombes et vos mines? Ce sont les mêmes qui donnent des leçons, se disent civilisés. Mais c'est avec les armes qu'ils s'arrangent pour mieux nous diviser. Le monde va mal, pourtant j'aimerais être optimiste. Mais c'est la guerre des extrémistes. Et ils sont tous terroristes, on s'en fout. Qu'ils soient capitalistes ou islamistes. Des gens meurent par leur faute et trop longue est la liste. Et ouais, bienvenue dans le troisième millénaire. Où ceux qui nous dirigent sont bien loin d'être des lumières obscures. C'est ainsi que je vois l'avenir. Pour les générations futures, que vont-elles devenir ?